Gérard est avec nous de Suresnes. On a 2-3 minutes avant de faire la pause et de repartir sur un morceau trance avant d'aller vers Balade Nocturne. Qu'est-ce que tu as fait de ce week-end, mon petit GG? Bah, pas grand-chose. Super. Samedi le temps était un peu trop lourd, donc on n'est pas trop sorti. C'est lourd, hein? Ouais. Sinon, samedi soir, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé l'hommage à Daniel Balawan. Alors, parce que Jean-Pierre Sauzère m'a appelé pour ça. On peut appeler Sauzère vite fait pour qu'on parle de... Vite fait. Ouais, vas-y, parle-en, toi. Donc, c'était bien. J'ai bien aimé les chanteurs qui sont passés. Donc, ça a été bien. Aujourd'hui, bon, le temps était couvert. Donc, pas question de sortir. J'ai regardé le Grand Prix de Monaco avec trois départs. Après, ouais. Je me suis tapé du foot. Qu'est-ce que ça a fait la France? Elle a gagné par tir au but, trois tirs au but à deux. Ah, ils sont allés quand même jusqu'au pénalty parce que le premier but de Zidane est magnifique, mais le deuxième but des Japonais, il est extraordinaire. Ouais, mais jouer la France ce soir. Ouais. Match amical, ça c'est le même tournoi qu'ils avaient fait au Maroc, c'est avant la Coupe du Monde. Là c'est le même. Ils ont joué contre le Japon, ils ont gagné au pénalty. Donc. Mais il y a déjà le premier but du Japon, était largement contestable. Hein. Ouais. Mais bon, contestable. Enfin, on a quand même gagné par trois tirs à deux au pénalty. À la mort subite, comme on dit, c'est bien. La France. Ouais. Non, la mort subite, c'est le penalty. Hein. C'est quoi? Il y a le prolongation et qu'il y a le but. C'est la mort subite, ça. Non, c'est les tirs au but. Justement, ça s'appelle la mort subite, ça. Ouais, non, c'est les prolongations. C'est les prolongations, c'est ça, ouais. Mais c'est le but. C'est le but. But en or. C'est le but en or. Ouais. C'est ça la mort subite. Ouais, là, ils l'ont pas fait. Là, c'est les penalty. Ils ont fait directement les penalty. 15 ans de PSG, l'autre il a avec ses gros sabots, ça dans moi, il me raconte la vie. Bon, enfin bref.